Bonjour à tous, merci aux organisateurs d'avoir retenu ma proposition de communication. Il me revient à achever de réveiller les neurones puisque je suis le premier communicant. Après la présentation qui a été faite par l'introduction du colloque était vraiment intéressante et je vais essayer de rentrer au mieux dans l'esprit du colloque tel qu'il est programmé. Par contre, je reviens sur vos propos, Monsieur Giatto, je ne parlerai pas de l'enceinte du XIIIe siècle pour laquelle on n'a pas trouvé d'informations de fouilles. Mais c'est un détail. Donc voilà, donc la fouille de. Donc les circonstances d'intervention sont très simples. Il y a Place de la République à Metz, un parking qui date des années 60. Un projet d'extension qui était ancien, mais s'est concrétisé au début des années 2000. On a réalisé des sondages archéologiques en 2005 qui ont été positifs, qui ont mené à une prescription archéologique avec une fouille qui s'est déroulée entre le mois de février et mai 2006. Donc c'est un espace, l'espace concerné par le parking proprement dit est conséquent, c'est 5000 mètres carrés, un demi hectare, en plein cœur historique de la ville, c'est une surface importante et c'était intéressant d'intervenir pour ça puisqu'on bénéficiait de recul. Alors quelques éléments de localisation géographique quand même, bon, je ne vais pas vous faire l'injure de vous demander, vous savez tous où se trouve Metz en Lorraine et en Moselle. Donc par contre, ce que tout le monde ne sait pas forcément, là je vous ai présenté une carte de la ville de Metz et la position de l'esplanade, donc qui est pas très loin de la Moselle, dans la partie sud-ouest de la ville ancienne. Alors quelques éléments de topographie urbaine quand même. Donc la ville de Metz, comme vous le savez, vous voyez, elle s'est développée à la confluence de deux rivières, d'une part la Moselle, et d'autre part la Seille, donc avec la confluence qui est un petit peu au nord. Et donc l'érosion des deux cours d'eau ont dégagé un plateau d'interfluves sur lequel s'est développée la ville ancienne. Donc voilà donc l'emprise, grosso modo schématisée, de la ville historique, avec, vous voyez, la souris. Donc il y a ce plateau d'interfluves présente deux points hauts. Donc, en A, c'est la colline des Hauts-de-Sainte-Croix, donc qui est le noyau historique primitif de la ville, puisque une occupation latine est attestée dès le IIe siècle, avec fortifications notamment. Et donc un point B qui correspond au secteur de l'esplanade sur lequel on a intervenu. Et ce secteur, donc ces deux points hauts qui culminent environ à 183-184 mètres d'altitude pour les terrains naturels, avec au milieu un encellement qui démarque ces deux espaces. Donc autant le secteur des Hauts-de-Sainte-Croix est occupé dès le IIe siècle avant, la partie sud de la ville a été urbanisée dans le courant du 1er siècle. Donc c'est quand même au niveau urbanistique deux éléments, deux secteurs différents par leur vécu. Donc ce document, c'est simplement pour montrer au moment où on est intervenu les connaissances archéologiques qu'on avait pour l'Antiquité. Donc c'était un secteur qui était intéressant parce qu'on bénéficiait, on est dans le cœur historique de la ville et on avait pour l'Antiquité beaucoup de renseignements, notamment on a bénéficié des résultats de fouilles réalisés par Dominique Eckenbenner au milieu des années 80, avec le quartier dans le cadre du réaménagement de l'Arsenal. Et donc il y a également ce bâtiment que tout le monde connaît ici, qui est Saint-Pierre-aux-Nonains. Donc il y avait quand même beaucoup d'éléments, avec ici les éléments qui, pour la partie là, pas trop éloignée. Donc ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup d'éléments pour l'Antiquité. Et l'intérêt de ce document, c'est qu'il montre, d'une part, vous avez à droite l'orientation du carreau Maximus, qui correspond à la rue Serpenoise actuelle. Et les fouilles du milieu des années 80 ont montré que ce secteur de la ville avait un parcellaire avec un réseau vière qui était complètement différent au niveau orientation, qui délimitait des espaces, des îlots d'habitation de forme trapézoïdale. Et donc notre fouille est intervenue dans ce contexte. Et donc on avait quand même pas mal d'éléments pour réfléchir et intervenir. Donc le chantier de fouille, alors ici une vue simplement, voilà, du chantier de fouille après décapage. Donc là on est sur l'esplanade. Ce que vous avez au fond, c'est les côtes de Moselle. Donc la Moselle coule un petit peu en contrebas. Et on a donc, globalement, on a principalement deux périodes essentielles rencontrées. L'Antiquité pour le 1er et 3e siècle, et donc l'époque moderne à partir du milieu du 16e siècle. Et donc, ma présentation va passer le fil du temps, aller des éléments les plus anciens aux éléments les plus récents. Et donc, la première phase de l'Antiquité, c'est des éléments très ténus qui concernent un tout petit secteur de fouilles. On a mis au jour les traces d'un habitat avec, vous le voyez ici, un préfornium préfornium d'hypocauste, donc un chauffage par le sol d'une habitation gallo-romaine. C'est extrêmement ténu, on n'a pas d'autres éléments. Un des intérêts, c'est que donc cette habitation était réalisée avec des maçonneries en pierre et mortier de chaux. Elle a été renforcée également par des pieux en bois qui ont servi autour desquels la maçonnerie a été montée. Donc tous les petits carrés noirs que vous avez ici correspondent à des emplacements de pieux dont le négatif est conservé. Donc là, on est dans le dernier tiers du 1er siècle. Mais les éléments de datation en position primaire sont extrêmement rares et ça a compliqué les essais de datation. Donc, deuxième phase, on est là au tournant du premier et deuxième siècle. Je reviens à la diapositive précédente, pardon. Voilà. Vous voyez que là, je voulais vous signaler ce mur. C'est le mur amont de l'habitation, donc qui est dans le. Qui était placé contre le terrain encaissant. Vous voyez comme il est déformé, il a subi les poussées du terrain naturel. Et ça peut être une des raisons qui explique que ce secteur ne sera plus jamais tourné vers une habitation. Ce sera un secteur qui va connaître d'autres vocations. Mais le principe d'habitation aura vécu après cet état. Et donc, dans le courant du 1er et 2e siècle, au tournant du 1er et 2e siècle, l'espace, ce secteur va être dévolu vers des activités civiles. Et donc, il va être aménagé par des murs parallèles aux courbes de niveau qui vont dégager des terrasses. Donc, ça va être un secteur qui va connaître une évolution entièrement différente. Donc là, c'est le premier état de mur de terrasse. Il est extrêmement lacunaire parce que, évidemment, il a subi tous les réaménagements postérieurs. Et donc, on n'a que quelques éléments de maçonnerie conservés. Et vous avez, par exemple, ici, c'est relativement net sur la photo, vous avez une énorme césure qui est ici, qui vient ici à plat, et qui remonte. C'est un mur qui fait quand même 3 mètres de large. Donc, c'est le négatif d'une fondation de mur qui a entièrement disparu, qui a été démontée. Et sa tranchée comblée. Bon, c'est le mur le plus imposant pour cette phase qu'on a mis au jour. Et donc, vous avez ce massif, vous avez parallèlement donc, des murs qui sont de même orientation, quelques murs perpendiculaires, donc, qui permettaient soit par des systèmes d'escalier ou de rampes d'accéder de terrasse à terrasse. Donc voilà une totalité de restitution, mais qui est très. Qui n'est pas forcément significatif parce que les éléments sont trop lacunaires, mais bon, il fallait quand même la tenter. Donc là, on est au tournant 1er et 2e siècle. Cet état va durer environ un siècle, jusqu'à la fin du 2e ou peut-être début 3e. Et là, peut-être parce qu'il y a eu des projets urbanistiques généraux sur le secteur, il y a l'opportunité à être peut-être été saisi pour installer un système d'aqueduc souterrain. Et ce réseau d'aqueduc est attesté, je parle de réseau parce qu'il y a deux embranchements différents. Ce réseau d'aqueduc est attesté par une série de puits qui ont pour les uns une orientation globalement est-ouest. J'ai oublié de préciser que tous les plans sont orientés, hein, donc le nord est en haut. Et pour l'autre, une orientation nord-sud. Donc là, on se trouve ici à un embranchement un carrefour, on va prendre ça comme ça, un carrefour de puits, entre deux lignes d'aqueduc différentes. Alors la destination, évidemment, n'est pas connue, son origine non plus. Mais bon, il a le mérite d'être là. Et voilà, je vous ai présenté deux photos. Une qui est, donc vous voyez, pour la photo de droite, le terrain naturel qui est pour la ville de Metz des marnes et au-dessus des sables déposés par la Moselle. Et on voit très bien, on peut voir d'une part le comblement du puits d'accès à l'aqueduc souterrain qui est ici. On devine qu'il y a un liseré entre le remplissage marneux et sableux ici et le remplissage qui est ici quasiment constitué de sable. Il y a dû y avoir un élément périssable qui a disparu, qui a fossilisé cet état. Et là, sur la photo de gauche, elle est intéressante parce qu'elle nous donne un élément de chronologie relative. Donc on a ici le sommet d'un des puits en question, et dessus, après son comblement, a été installée une maçonnerie de la face postérieure. Et cette face postérieure, on y vient. Donc on est toujours dans le courant fin deuxième, début troisième siècle, et qui est un état qui est beaucoup mieux renseigné. Donc la maçonnerie que je vous ai présentée juste avant était ici, le puits en question était ici, et la maçonnerie est ici. Donc on a affaire à un deuxième système de maçonnerie qui permet d'individualiser des terrasses. Donc vous pouvez voir qu'on a une série de murs parallèles, toujours pareil, avec celui-là qui est magnifique, qui est relativement bien conservé. Et là, d'autres murs parallèles qui sont moins larges, mais qui n'étaient présents que par la base de leur fondation. Un troisième également ici, qui est plus en amont, et sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et parallèlement, donc des murs plus petits, et qui viennent se greffer sur un mur perpendiculaire. Alors, c'est toujours pareil, il est tentant de... Ces murs perpendiculaires, qui sont dans le sens de la pente, devaient être des éléments qui reliaient les terrasses entre eux. Donc, il est tentant d'y voir des zones d'accès, escaliers ou rampes, qui permettaient de communiquer de terrasse à terrasse. Et il est possible, par rapport au système de puits d'aqueduc tout à l'heure dont je vous ai parlé juste avant, que ces éléments aient servi à apporter de l'eau. Comme c'était des espaces d'agrément, il est possible qu'il y ait eu des fontaines sur ces terrasses et que ces puits aient entre autres servi à ça, alimenter les fontaines. Donc voilà, quelques éléments de maçonnerie. Donc il y en a un peu tous les types, vous voyez. En haut à gauche, vous avez des tranchées de murs qui sont entièrement récupérées, qui ont été épierrés postérieurement, avec juste la fondation qui est encore en place. Donc là, c'est pour le binôme de murs ici. Vous avez ici cette maçonnerie qui est en très bon état, qui est ce mur ici, mais vu en plan. Donc qui renvoie donc c'est un système un système de maçonnerie qui était déjà connu à Metz, qui était mis au jour sur les Hauts-de-Sainte-Croix, qui est commun, qui est connu à d'autres endroits dans la Gaule antique. Donc avec un mur de façade donc qui mesurait presque 2 mètres de large, pardon, avec un système particulier de contrefort d'ancrage dans le terrain encaissant en arc de cercle. Le tout est enchaîné, bien évidemment. Donc là, deux exemples de murs, un très massif, là aussi qui faisait 2 mètres de large, avec un mur perpendiculaire chaîné également avec. Et enfin, j'ai mis cette photo-là, elle est en soi anecdotique, mais elle est intéressante pour montrer les phénomènes de récupération. J'ai trouvé assez rigolote parce que on imagine le grignotage par la gauche, puis le grignotage par la droite, ils sont quasiment rejoints, mais ils sont arrêtés juste avant. Voilà donc un projet une proposition de restitution qui est relativement plus complète que la phase antérieure. Donc évidemment, il faut imaginer que là, on est dans le sens de la pente, les murs de terrasse continuaient et devaient se développer au-delà, donc jusqu'à proximité de la Moselle. Alors là, je vous ai mis un élément particulier qu'on n'a pas reconnu sur le terrain, mais qui est une hypothèse de voie. Je vais revenir sur elle, mais en tout cas, c'est une hypothèse qui s'aligne tout à fait avec les maçonneries qu'on a et qui marcherait tout à fait avec l'arrêt de maçonnerie qu'on a ici. Parce que cette hypothèse de voie vient des fouilles du milieu des années 80, réalisées par Dominique Eckenmüller et son équipe, donc qui imaginait donc avec un système d'îlots trapézoïdaux, donc elle imagine une voie qui pouvait passer par ici. Et notre fouille, même s'il n'a pas rencontré cette voie, par l'emplacement des maçonneries, on peut considérer que nos résultats de fouilles valident à peu près cette hypothèse. Alors, l'Antiquité, le IVe siècle, est le rempart gallo-romain. C'est cette année, le rempart gallo-romain du Je ne vais pas apporter malheureusement d'éléments de datation, puisqu'on ne l'a pas rencontré stricto sensu. Il est connu depuis longtemps. Hein, Jean-Baptiste Coyneux, lors des travaux qui ont été réalisés dans ce quartier de la ville au début du XXe siècle, l'a documenté. Donc son tracé est bien connu par endroits, ici notamment du côté du palais du gouverneur. Et il y a des tronçons qui sont connus. Yvan Ferré-Ressault, qui est dans la pièce, on a rencontré un petit morceau vraisemblablement Place Saint-Louis, etc., etc., Grange des Antonistes, au centre-ville. Donc, et par contre, il y a des éléments, des tronçons de remparts qui ne sont pas connus, qui sont hypothétiques. Et donc, notamment celui-là pour le secteur de fouilles. Et d'une part, on s'aperçoit que l'orientation du rempart tel qu'elle est proposée est en cohérence avec les orientations de maçonnerie. Et pour peu qu'on ait un changement d'angle avec depuis le point de départ, le dernier point connu en direction de notre fouille, il se pourrait que le mur avec arc de cercle qu'on a mis au jour soit. Il serait tout à fait possible que ce soit un vestige du rempart dès lors que les autres maçonneries antiques ont été démontées et récupérées et que lui a été conservé, puisque le rempart antique, cet élément de courtine, perdure pendant une grande partie du Moyen-Âge. Donc, entre notre trait rouge de maçonnerie et le tronçon hypothétique, il y a 10 mètres. Donc, on pourrait très bien imaginer, il y a deux hypothèses, donc, comme je vous l'ai dit, soit la courtine antique passe un peu plus bas dans la pente et reprend le tracé d'un mur de terrasse qu'on n'a pas, parce qu'en dehors de la fouille, soit ce mur qu'on a mis au jour pourrait correspondre et fonctionner avec la courtine. Donc c'est une hypothèse d'emplacement de courtine antique, mais qu'on ne peut pas valider, malheureusement. Ensuite, les éléments attachés au Moyen-Âge sont peu nombreux, mais ils sont attestés de deux façons. Soit par les sédiments comblant et masquant les tranchées de murs antiques et pierrés, donc c'est le cas de ce que je vous montre sur la photo, avec deux tranchées antiques, photo que vous avez déjà vu tout à l'heure, mais donc c'est des sédiments mobilisés durant le Moyen-Âge. Et là, on a une fourchette de temps relativement précise, c'est 8e, enfin, relativement, que je retrouve la date exactement. 720, voilà, la fourchette fournie par la céramique donne de 720 850, donc premier tiers 8e siècle à moitié 9e siècle. Donc c'est un peu plus d'un siècle, un siècle, un tiers. C'est conséquent, mais on arrive dans l'époque carolingienne. Et donc, deuxième moyen d'étudier la présence médiévale, c'est par les couches sombres, les fameuses couches sombres médiévales qu'on rencontre dans tous les contextes antiques, qui étaient peu conservées sur l'esplanade, parce que en raison des terrassements postérieurs qui les ont oblitérées. Alors, c'est... Donc, ces deux éléments d'étude, le comblement des tranchées des pierrements et les couches sombres, fournissent malgré tout, elles montrent une tendance qui est donc pour la fourchette de temps que je vous ai donnée, 728-650, elle montre qu'il y a dans ce secteur précis de la ville, il y a une activité importante avec des terrassements qui montrent donc une activité importante de terrassement dans le secteur, donc terrassement qui concerne la récupération de matériaux antiques. Et ça, il serait tentant d'y voir, avec cette activité intense dans le secteur, une activité qui soit en lien avec l'hypothèse de mise en place d'un mur de courtine parallèle un peu plus bas dans la pente. C'est ce que Julien Trapp a montré justement dans la classe que vous avez citée tout à l'heure. Donc avec ici notre mur de courtine, on est à l'époque carolingienne. Donc le mur de courtine qui serait le tracé de la courtine antique conservée à l'époque carolingienne et un mur parallèle qui engloberait de nouveaux faubourgs un peu plus en aval. Donc on sait que cette hypothèse de courtine est attachée à l'époque carolingienne. L'activité et cette courtine pourrait correspondre à l'activité, l'activité de terrassement important que nous, on constate sur le terrain au niveau de la fouille. Et là, on va faire un saut de temps relativement important. On arrive à l'époque moderne, milieu 16e siècle. Bon, 1552, c'est une date que beaucoup de monde connaît. C'est... On est sous le règne d'Henri II. Et il se trouve qu'Henri II, de retour de l'Est, passe par Metz et décide de s'y installer et de garder la ville. Évidemment, l'ancien propriétaire n'est pas content et va essayer de la reprendre. C'est l'épisode du siège de Metz de l'automne et de l'hiver 1552-53. Donc là, vous avez un document qui vous montre le... Et là, ce sujet, j'en profite pour remercier Pierre-Edouard Wagner qui est arrivé dans la pièce, à qui je dois toute la documentation historique pour la citadelle. Elle est abondante et conséquente et utile. Et donc, ce plan de Salignac montre, c'est un état de la fortification, des fortifications messines juste avant le siège. Donc on est à peu près au mois d'août 1552, on est environ 3-4 mois avant le siège. Et là, c'est le camp adverse, donc un plan qui serait attribué à Sébastien Van Noy, donc qui montre au début de l'hiver 1552-53, qui montre le siège de la ville. Donc, bon, le plan est suffisamment lisible, évidemment, avec les fortifications de la ville, puis tout le camp assiégeant. Alors, chacun le sait, Charles Quint va lever le siège de Metz. Il ne réussira pas à reprendre la ville. Mais les Messins ont eu chaud, enfin, tout au moins les Français ont eu chaud, puisqu'ils ont le siège a échoué, mais de peu. Et le camp français se rend très vite compte que les fortifications messines ne sont pas suffisantes. Elles sont jugées dans un état déplorable et pas du tout adaptées à l'époque et aux armements de l'époque. Et c'est donc François de Lorraine, donc duc de Guise, qui dès janvier 1553 aurait émis auprès du roi le projet de fortification. Donc la construction de la fortification va commencer en 1560. Et donc, évidemment, une fortification de cette ampleur, c'est un énorme massif. Elle va induire le déplacement et la démolition, le déplacement de nombreuses maisons religieuses. Il y a 250 maisons de particuliers qui vont disparaître. Et le plan de fortification retenu le plan de fortification retenu est un plan classique à l'époque, fortification rectangulaire avec quatre bastions d'angle. Là, c'est une représentation peu après la réalisation de la citadelle, donc vers 1575, plan de Belforest, un document qui est très connu. Donc on voit suffisamment précis pour remarquer le côté carré du plan avec ses quatre bastions d'angle. Et donc c'est un monument qui est massif. Hein. La courtine nord, par exemple, ici représente 322 mètres de long. C'est la courtine est 415 mètres, la sud 284 et la ouest 425. Donc c'était des constructions impressionnantes. Pour réaliser comme tout le flanc nord et ouest pardon, de la fortification reprenant peu ou prou celui de la courtine antique, la courtine antique médiévale va être parfois réutilisée et intégrée aux maçonneries nouvelles, parfois simplement noyée dans les remblais de terre. Alors, l'argent faisant défaut pour le roi, c'est une certaine chance pour les Messins actuellement, puisque il a peut-être pas pu réaliser tous les travaux qu'il envisageait, et certains bâtiments antérieurs ont été conservés et réutilisés, intégrés au nouvel espace militaire. C'est le cas de Saint-Pierre-aux-Nonains qui est encore debout, de la chapelle des Templiers, etc. Donc il y a quand même quelques bâtiments. La trame médiévale peut encore se lire encore dans le tracé de certaines des rues. Alors l'ingénieur de la citadelle est un Italien. C'est de son nom italien Rocco Guerino, Rock Guérin, dans sa version francisée. C'est un homme incroyable qui a une vie romanesque qui mériterait un livre. Il est d'origine italienne, il est de Ferrare, il est de la lignée des comtes de Linard. Il est entré comme page à la cour de France en 1542. Donc il est arrivé dans les bagages de Catherine de Médicis, évidemment. Il est resté plusieurs années à Metz au moment de la construction de la citadelle. Et là, il a pris femme. Il s'est marié avec une protestante. Et c'est elle qui va certainement l'amener à se convertir au protestantisme, ce qui est pas mal pour un Italien catholique. Et alors, il va participer aux événements de septembre 1567, quand les chefs protestants messins vont tenter de s'emparer la citadelle. Et évidemment, leur tentative échoue. Et ils vont quitter la ville précipitamment dans la nuit du 1er novembre 1567. Et là, il va partir vers l'est, dans les États prussiens. Donc, il sera au service tantôt du comte palatin de Heidelberg. Ensuite, il sera connu dans la Saxe, et dans Brandebourg. Et en 1581, par exemple, il sera à Berlin. Berlin, c'est intéressant parce qu'il va là-bas. En Allemagne, il va essaimer ses plans de fortification. Il va les essaimer un peu partout. Et il y en a une qui était connue, celle qu'il a construite à Berlin. C'est la prison de Spandau, dans laquelle Rudolf Hess a fini. Donc, qui était une prison de Rocco Guerino. Donc là, ce plan de 1547, qui montre la citadelle 1747, pardon, plan du 18e siècle. Alors, au-delà, donc c'est une construction qui est très bien documentée au niveau archivistique, au niveau iconographique. Et on sait que peu de temps après sa réalisation, elle était jugée quasiment obsolète. Après, c'était une forme d'obsolescence programmée finalement. Henri IV, dans une lettre à Sully, donc moins d'un demi-siècle après sa construction en 1603, il dit que la citadelle ne vaut rien, qu'elle a déjà pu adapter à son époque, à sa nécessité. Donc la documentation archéologique, donc voilà le plan des vestiges mis au jour. Nous sommes donc dans la partie nord-ouest de la citadelle. Donc on a rencontré donc une partie du mur de courtine nord et les éléments associés au bastion nord-ouest, donc qui s'appelle le bastion Saint-Pierre. Tel que vous voyez ce plan, je m'aperçois qu'il n'y a pas d'échelle, mais bon, c'est une bande de terrain qui représente 100 mètres de long ici. Et les éléments de maçonnerie associés à la citadelle ont été vus jusqu'à une dizaine de mètres, non, pardon, jusqu'à une trentaine de mètres de large. Donc ça faisait comme une surface assez conséquente à étudier. Alors, Dans le bastion, donc les éléments associés au bastion, on a une partie de la maçonnerie externe visible depuis le fossé, également des éléments internes au bastion. Donc il y a notamment deux casemates, ici et ici, une petite pièce qui est difficile à interpréter, qui pourrait être une cave, une glacière, et également en plein centre du bastion, un magasin à poudre qui était donc pour l'essentiel enterré comme les casemates. Donc voilà, la courtine nord ici, et la maçonnerie externe du bastion Saint-Pierre dont on a un tout petit tronçon, donc magasin à poudre et les casemates. Ah oui, et j'allais oublier, on a un couloir qui permettait d'accéder depuis la surface au salle enterré de la fortification, donc la petite cave ou glacière. Alors, cette diapositive, elle est là simplement pour illustrer les matériaux de construction utilisés. Donc c'est là, pour l'essentiel, ce sont des matériaux locaux, le calcaire de Jaumont, la pierre bleue marno-calcaire, donc c'est strictement local. Mais évidemment, il y a énormément de matériaux de récupération en position de remploi qui proviennent pour l'essentiel certainement soit de ce qui a été ruiné lors du siège de Metz, par les armées impériales ou volontairement par les Français pour défendre la ville, et également évidemment des constructions civiles et privées qui se trouvaient à l'emplacement des esplanades qui ont été démolies pour dégager l'espace. Donc vous voyez, c'est des éléments qu'on a retrouvés qui étaient qui étaient piégés dans le mortier de chaux, donc qui étaient en excellent état de conservation. Vous voyez que la plupart ont des... Je cherche là la souris. Voilà. La plupart, vous voyez cet élément mouluré, la plupart ont leur peinture d'origine conservée. Ici, c'est une stèle funéraire d'un échevin messin. Des éléments aussi variés que des gargouilles. Là, il y a un mascaron en forme de soleil, un chapiteau antique, un chapiteau, un élément de voûte d'arcature ottonienne. Là, ce bloc, on ne voit pas très bien, mais il a gravé dessus le jeu de moulin, un jeu que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. Un jeu de stratégie à deux. Voilà, donc c'est simplement pour illustrer donc les matériaux utilisés. Alors, la courtine nord, elle est telle que vous la voyez. Donc, c'est un mur, un massif qui fait 4 mètres de large en surface à l'ouverture, la largeur allant en s'élargissant. Donc, il était habillé en façade avec des pierres de taille disposées en harpe. Et l'intervalle entre deux harpages était rempli par un habillage de briques. Là, on se trouve donc à l'angle courtine départ du bastion Saint-Pierre, donc avec toujours le système de harpage et également donc un départ de harpe aussi. Avec donc on soupçonne ici une reprise de maçonnerie, mais qu'on a pu vérifier deux états de maçonnerie dans la réalisation. Donc là, on se trouve un stade antérieur du décapage. On est un poil plus haut que ici sur la photo en haut à droite, donc avec ce mur qui part, mais on devine sur la photo une fenêtre de tir, également ici une voûte, le voûte vue par le dessus, sur laquelle je vais revenir juste après. Voilà, parce que de l'autre côté du mur, sur lequel la photo antérieure a été prise depuis ici, dans cette direction, et là, l'avancement des travaux du parking nous a permis de mettre au jour donc une porte qui était... Donc qui se fermait de ce côté, qui était donc desservie par un escalier. Et cette porte, donc, comme on y accédait par un couloir qui était un peu plus haut, donc ce couloir qu'on voit ici, voûté en plein cintre, et donc qui correspond au couloir dont je vous avais parlé tout à l'heure sur le plan, qui longe le mur de courtine, et qui ensuite, après le départ du bastion, s'incurve vers la droite pour passer sous le mur. Et la porte étant ici, vous avez ici la voûte dont je vous ai parlé tout à l'heure qui perçait, qui permettait de passer à travers le mur. Donc on a clairement deux états. On a eu une reprise pour une raison qu'on ignore, une reprise de maçonnerie de cette partie du bastion avec deux couloirs d'accès différents, l'un étant muré, l'autre le second état aménagé ici. Donc c'est des passages qui permettaient d'accéder soit aux salles en souterraines, salle de casemate et autres, et qui permettait aussi de communiquer de circuler à l'intérieur du bastion par des couloirs qui passaient à travers l'épaisseur de la maçonnerie. Donc les casemates en question, donc on a peu de documentation au niveau archéologique, on les a vus en plan, tels que vous les voyez ici. Et par contre, la documentation historique fournie par Pierre de Hoogmeijer nous montre que c'est des casemates qui étaient conservés, qui étaient fonctionnels sur plusieurs étages, deux voire trois étages. Donc là, en haut, vous avez la vue au sol, telle que les maçonneries étaient visibles. Et là, premier étage en sous-sol et deuxième étage en sous-sol en bas. Voilà deux documents, l'un en plan en bas à gauche qui vous montre les salles et les couloirs de circulation, et ce document en coupe qui vous montre l'étagement entre les salles. Enfin, le magasin à poudre, proprement dit, qui, donc, également vu après décapage, peu renseigné parce que peu d'éléments à fournir. Il était conservé sur environ, la maçonnerie était conservée sur environ 1 mètre d'épaisseur, de hauteur. Donc c'est un massif quadrangulaire, rectangulaire. Et chose étonnante, la maçonnerie a été installée sur un radier de poutres, de poutres disposées en croisée pour c'est le bois évidemment a pourri et son négatif a été conservé. Alors la raison de cette installation n'est pas clairement élucidée, peut-être parce que les remblais en dessous étant mis en place depuis peu, il est possible que ce système de cloisonnement de poutres de bois permettait de stabiliser l'édifice et l'éviter qu'il s'enfonce un peu, se déforme. Et voilà, donc en guise de conclusion, je retrouve ma page. Donc on peut considérer que le rempart antique n'a pas eu d'incidence majeure sur le plan de la ville. Là, j'essaie de reprendre un peu le sens du colloque après les éléments que je vous ai présentés. La ville, au IVe siècle, s'est repliée sur elle-même et donc le rempart a repris. Elle s'est repliée sur elle-même derrière sa ligne de défense et donc le tracé du rempart a été installé soit sur des maçonneries antérieures qui étaient faciles à adapter, cas des murs de terrasse du secteur qu'on a fouillé, soit construit sur un périmètre sur lequel il était intégralement monté. Et dans le cas de l'esplanade, il est possible qu'il est très très vraisemblable qu'il ait réutilisé un mur de terrasse antérieur, et auquel cas il a simplement suffi de le monter plus haut et de le fortifier. Donc on peut pas donc l'impact du rempart sur la ville, comme on dit, n'a pas dû être considérable. En revanche, pour le XVIe siècle, la fortification qui a été décidée par Henri II, elle a considérablement changé la physionomie de la ville. Les médecins n'étaient pas du tout contents de ce projet. Par contre, pour le roi, c'est évident qu'il avait un double intérêt. D'une part, il permettait de défendre la ville contre les intrusions extérieures, et en même temps, il permettait aussi de prévenir d'éventuelles velléités d'indépendance de la vieille République messine. Et à partir de là, c'est un massif quadrangulaire qui faisait plus de 400 mètres de côté, donc ça fait plus de 166 000 mètres, donc 16 hectares concernés au moins au cœur de la ville, c'est considérable. Son impact a marqué donc le paysage urbain messin pendant 2 siècles et demi jusqu'à la Révolution. À partir de la Révolution, elle était de toute façon obsolète depuis longtemps, la frontière avait reculé, le projet de démolition a été actif au tournant du 18-19e siècle, au moment de la Révolution. En même temps, il permettait de donner du travail aux médecins dont beaucoup étaient dans un état de grande pauvreté. Le résultat de la démolition de la citadelle, c'est que directement dans la foulée, la place de l'Esplanade a été aménagée sous sa configuration actuelle, peu ou prou. Et donc notre intervention, la création d'un parking souterrain, ce n'est que l'ultime prolongement de cet aménagement qui était réalisé au XIXe siècle. Et je vous remercie de votre patience.